عليه السلام صارت مهوا لأفئدة المسلمين، تحل إليها قلوبهم وتشتاق إليها أفئدتهم. ذلك الدعاء الذي رفعه إبراهيم عليه السلام عندما ترك زوجه وولده بذلك الوادي المقفر الذي ليس به شجر ولا بشر، قال مشرقا ومبتهلا: ربنا إني أسكنتني ذريتي بوالد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فصار الناس منذ ذلك الحين ومنذ تلك الدعوة يهون إلى ذلك المكان على مر السنين والأيام، وصار ذلك الوادي ملتقى للمسلمين في كل مكان، وبقعة مباركة تجتمع فيها الخيرات من كل حدب وصوت، استجابة أيضا لدعاء الخليل الذي قال فيه: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وبقي الحج إلى البيت الحرام والطواف بالبيت على ما أرساه عليه إبراهيم عليه السلام من دين الحنيفية السمحة ردعا من الزمن، ثم عرفت مناسك الحج وضاعت ملامحه التي كانت على عهد إبراهيم عليه السلام، حتى جاء رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فعاد الحج عبادة إسلامية تقوم على توحيد الله سبحانه وتعالى وتبتعد عن كل شرك أو وثنية. شخص عبد الله depuis que Ibrahim عليه السلام a lancé l'appel pour le pèlerinage, les gens ont répondu à cet appel et se sont dirigés vers la Kaaba, seuls ou en groupe, à pied ou à monture. Depuis le jour où Ibrahim a lancé cet appel qui a résonné aux quatre coins du monde, cette contrée aride, aux températures caniculaires, où les montagnes sont noires, par ordre d'Allah et en réponse à la prière d'Ibrahim, cette contrée est devenue l'amour de tous les cœurs musulmans. Les cœurs y sont attirés. Cette invocation que Ibrahim a prononcée après avoir laissé son épouse et son enfant dans cette vallée désertique où il n'y a ni végétation ni homme, il dit en invoquant son Seigneur: ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba. Ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la prière, fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens et nourris-les de fruits, peut-être seront-ils reconnaissants. Et depuis ce jour, les gens aiment cet endroit. Cette vallée est devenue le point de rendez-vous de tous les musulmans, un endroit béni où toutes les richesses résident. En réponse à l'autre invocation de l'Ibrahim, lorsqu'il a dit: ô mon Seigneur, fais de cette vallée ou fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah le jour dernier. Et le pèlerinage et le tawaf autour de la Kaaba sont restés authentiques suivant la religion d'Ibrahim Hanifiya pendant une période. Puis les rites du pèlerinage furent falsifiés et ces traits disparurent jusqu'à ce que vienne le messager d'Allah, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le Hajj redevint l'adoration musulmane basée sur le tawhid et rejetant toute association et idolâtrie. Ayons nous suivons. إن الحج فريضة عظيمة وركن من أركان هذا الدين، فرضه الله تبارك وتعالى على الناس في العمر مرة واحدة، وهو واجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. وأكثر العلماء رحمهم الله على أنه واجب على الفور لا على التلاحي، فمتى توفرت شروطه والقدرة عليه وجب على المسلم أداؤه مرة في العمر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ايها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: اكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فانما هلك من كان لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا ما منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أخرجه مسلم. فلا ينبغي للمسلم أن يخاف الله ويرجو لقاءه سبحانه وتعالى، لديه الكفاية والاستطاعة أن يفرط في هذا الأمر أو يؤجله بدون عذر مقبول شرعا. فالله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الآية تأكيد واضح على فرضية الحج ووعيد شديد على التهاون فيها. شمس le pèlerinage, le hajj est une obligation, est une énorme obligation et un pilier parmi les piliers de cette religion. Allah l'a imposé aux gens une fois par leur vie et il est obligatoire pour tout musulman pubère, doué de raison, libre et capable. Et la majorité des savants qui ont Allah disent que c'est une obligation à accomplir immédiatement et que l'on n'a pas le droit de la retarder. Donc dès le moment où les conditions sont réunies, que tu es pubère, doué de raison, libre et capable de l'accomplir, le pèlerinage devient obligatoire une fois pendant votre vie. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un sermon aux gens: Allah vous a prescrit le pèlerinage, accomplissez-le. Un homme lui demanda: faut-il accomplir chaque année au prophète? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a se tut. L'homme répéta sa question trois fois et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: alors, si j'avais dit oui, le pèlerinage serait obligatoire chaque année et cela ne serait pas dans votre possibilité. Et il dit ensuite: contentez-vous de ce que je dis, car parmi les choses qui ont fait périr les nations avant vous, leur divergence au sujet de leur prophète et leurs trop nombreuses questions. Lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-la selon vos capacités, et lorsque je vous interdis quelque chose, laissez-la rapporter par Moussoum. Donc tout musulman, craignant Allah Azza wa Jal et espérant sa rencontre, possédant la somme nécessaire pour le pèlerinage et la santé requise, ne doit pas négliger ce sujet et le repousser sans être plus valable religieusement. Allah dit dans le Coran, et c'est un devoir envers Allah, pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison, et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Dans ce verset, apparaît clairement l'obligation du pèlerinage et la menace guettant celui qui néglige cette obligation. Et maintenant, كيف تطيب نفس المؤمن أن يترك الحج مع قدرته عليه بماله وبدنه وهو يعلم أنه من فرائض الإسلام وأركانه؟ كيف يبخل المؤمن بالمال أن ينفقه في أداء هذه الفريضة وهو ينفق الكثير من ماله فيما تهواه نفسه؟ وكيف لا يتحمل التعب في الحج وهو لا يجد في العمر سوى مرة واحدة؟ وكيف يتراخى ويؤخر أداءه وهو لا يدري لعله لا يعيش أو لا يستطيع الوصول إليه بعد عامه؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا للحج، تعجلوا للحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعمل له. رواه أحمد. فاتقوا الله تعالى وأحمدوا ربكم على أن أكمل لكم الدين وأتم عليكم النعمة ويسر لكم سبل الخلاص حتى أصبحت في متناول أيديكم من غير كلفة بالغة. فلقد كان الناس فيما مضى يعانون في الوصول إلى البيت أنواع الكلفة والمشقات من كثرة النفقات المالية والمشقة البدنية وتحمل الأخطار وسفر لذلك أيام كثيرة قدرت ولا أشهر. أما اليوم ولله الحمد فقد أصبح الأمر يسيرا ويسر الله بنعمته وفضله ما كان عسيرا، فأصبحنا نصل إلى البيت الحرام بسهولة ويسر وأمان. فاشكروا الله تبارك وتعالى أيها المسلمون على هذه النعمة واغتنموها وانتهزوا فرص الخيرات وابتدروها وأدوا ما فرض الله عليكم من الحج وتزودوا من التطوع به، فإن التطوع تكمن به الفريضة. وقد كان بعض السلف رحمه الله يتحسر إذا فاته الحج ويقول: لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كرم الله إعافهم فثبتهم وقيل قولهم. que l'âme du croyant soit heureuse et satisfaite en délaissant le pèlerinage, tout en ayant les moyens financiers et corporels. Et cette même âme sait très bien que le pèlerinage est une obligation religieuse et un pilier de l'islam. Comment le musulman peut-il être capable de dépenser l'argent qu'Allah lui a donné pour accomplir cette obligation, alors qu'il dépense encore plus pour tout ce que son âme désire? Comment peut-il dire ne pas supporter la difficulté du pèlerinage alors que ce dernier est obligatoire une fois dans la vie? Comment peut-on repousser et retarder le hajj alors que l'on ne sait pas si on sera encore vivant ou en bonne santé l'année prochaine? Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous d'accomplir le pèlerinage, car ajjalu ila al-hajj, empressez-vous d'accomplir le pèlerinage, car aucun parmi vous ne sait ce qui pourrait lui arriver, rapporté par la hadith. Craignez donc Allah, chers musulmans, et glorifiez Allah d'avoir pas mal chemin pour vous cette religion, et accompli sur vous ses bienfaits, et vous a permis de gagner des richesses, jusqu'à ce que le hajj soit dans la capacité de la majorité des musulmans. Les gens dans le passé souffraient, ils souffraient pour arriver à la Mecque. Le prix du hajj était pour eux énorme. Les difficultés corporelles, ils affrontaient le danger et voyageaient plusieurs mois pour se rendre au pèlerinage. Les gens voient les prix du pèlerinage et pensent que c'est cher. À l'époque, les gens, pour aller au hajj, leur fallait la dépense de tout leur trajet, plusieurs mois de trajet. Et cela était énorme pour eux et les faisait souffrir. De nos jours, les mêmes, cela est devenu facile. Allah, de sa grâce et sa générosité, a rendu facile ce qui était difficile. Nous pouvons nous rendre vers la Kaaba facilement et en sécurité. Remerciez donc Allah pour ce bienfait et profitez de cette situation et accomplissez ce qu'Allah vous a ordonné d'accomplir. Et accomplissez également les pèlerinages surérogatoires, car les actes surérogatoires viennent compléter les actes obligatoires. Et certains plus prédécesseurs, rahimahumullah, étaient déprimés lorsqu'ils manquaient le pèlerinage et disaient: si les gens avancent et que nous restons assis, et que les gens se rapprochent et que nous nous éloignons, qui peut nous assurer que nous ne faisons pas partie de ce qu'Allah a décrit en disant: mais leur départ est plié à Allah et les a rendus paresseux? Et il leur dit: uqudu ma'a al-qa'idin, restez avec ceux qui restent. Barakallahu li wa lakum fil qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa al-hikam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah al-'azim li wa lakum wa lisa'ir al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafur. عباد الله، أن يلم بأحكامه، هذا واجب عليه. أن يلم بأحكام الحج ويتفقه في أركانه وواجباته ويعرف محظوراته وما يمكن أن يقع فيه الحج من الأخطاء وذلك ليتجنبها فيكون بذلك قد أدى النسك على أكمل الأجور المطلوبة شرعا. Chers musulmans, le Hajj possède de nombreuses vertus et une énorme récompense, car l'âme et le corps du pèlerin supportent les difficultés du pèlerinage et se séparent de son foyer et de ses habitudes, de sa famille, de ses amis, de ses richesses. Pendant les jours du pèlerinage, le pèlerin passe son temps dans l'adoration, entre stations à Arafat, le fait de passer la nuit à Mina ou à Muzdalifa, le fait de battre les ailes, le tawaf, tout cela pour l'évocation d'Allah Azzawajal et pour obéir au Seigneur de l'univers, tout en suivant la voie de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Prenez de moi les rites du pèlerinage rapportés par les meilleurs. » Le pèlerin fait tout cela en espérant que ses péchés et autres désobéissances seront effacés. Abu Huraira, radiallahu anhu, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui fait le pèlerinage pour Allah, ni dévergondage, retourne chez lui aussi pur que le jour où sa mère l'a mise au monde, apporté par le travail de l'ancien. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné et on lui dit quelle est la meilleure des œuvres, quelle est la meilleure des œuvres. Il dit une foi en Allah et en son messager, on lui dit, et ensuite il dit la lutte dans le sentier d'Allah, on lui dit, et ensuite il dit le bon pèlerinage rapporté par le travail de l'ancien. Et selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une ombre à une autre, il y a expiation des péchés qui peuvent survenir pendant cette période et la récompense du pèlerinage parfait est le paradis, le Hajj Mabrour, rapporté par la Coran et Moussa. Et il faut que celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage cette année ou dans le futur connaisse parfaitement les règles du pèlerinage. Ils connaissent parfaitement les règles du pèlerinage, ils connaissent les piliers du pèlerinage, ses obligations, ils connaissent les interdictions du pèlerinage et les erreurs à éviter, tout cela afin d'accomplir les risques de la meilleure des manières. Et voilà le même. Voilà, tout le monde qui veut le Hajj, qui veut que le Hajj soit un Hajj mabrour, un Hajj mashkour, un yura'i al-umura lahu jami'a, wa an yahris 'alayha. فمن هذه الأمور أن يتخذ لحجه نفقة من الحلال، فلا يجوز أن يكون المال الذي يحج به مالا حراما، فالنفقة الحلال شرط للحج المبرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يضل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ رواه مسلم. فكيف يسوغ أن تتوجه إلى الله عز وجل وإلى بيته الحرام طالبا عفوه ومغفرته وأن تصطحب لذلك مالا تعلم أنه حرام؟ فأي حج هذا وأي عبادة هذه؟ وقد سبق من قال: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت غير. لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. Celui qui a décidé de faire le pèlerinage et qui souhaite que son pèlerinage soit accepté et que ses efforts soient récompensés, qu'il fasse attention à certains points. Parmi ces points, le fait qu'il accomplisse le pèlerinage avec de l'argent licite. Il est donc religieusement interdit d'accomplir le pèlerinage avec de l'argent licite. L'argent licite est une condition pour que le pèlerinage soit considéré comme un mabrour. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon, et Allah a apprécié aux croyants ce qu'il a apprécié aux messagers. Il dit aux messagers: mangez des bonnes choses et pratiquez le bien. Et il dit: ô vous qui avez cru, mangez. manger des bonnes choses que nous vous avons octroyées. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne l'homme qui prolonge son voyage, hirsute et poussiéreux comme le pèlerin, et tend ses mains vers le ciel en disant Ya Rabbi Ya Rabbi, ô Seigneur, ô Seigneur, alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses vêtements sont illicites, comment serait-il exaucé, rapporté par mon Seigneur? Comment est-il possible que tu te diriges vers Allah, que tu te diriges vers la maison sacrée d'Allah à ses objets, demandant son pardon et sa miséricorde, prenant avec toi de l'argent dont tu as connaissance de ton aspect illicite? Quelle véritable amplitude et quelle adoration accomplis-tu? Et y a-t-il ce mot? Kamal al-Tari, bil-Haji, al-Takuna a'malu khalisatan liwajhillahi à ses objets, laissa li waradiha, riyaa wa la sam'a. بل لا يبتغي بها الا وجه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: واتموا الحج والعمره لله. واتموا الحج والعمره لله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. وعن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. رواه النسائي. فالاخلاص والنيه الصادقه شرط لنجاح العباده وقبولها. وتحقيق الاخلاص من اصعب الاشياء. تحقيق الاخلاص من اصعب الاشياء. يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتي. إنها تتقلب علي. ويقول كذلك رحمه الله: عالجت نفسي على الإخلاص 40 سنة. عالجت نفسي على الإخلاص 40 سنة حتى استقامت. وشرط آخر يجب توفره في كل عبادة ومن الحج، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الحج. فليقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم نصب عين الحاج منذ بداية أعمال الحج إلى نهايتها حتى يحظى بإذن الله تبارك وتعالى بقبول حجه. شعر الموت. Comme il faut également que les œuvres du pèlerin soient exclusivement pour Allah عز وجل, sans ostentation ni orgueil. En faisant le pèlerinage, on ne désire que la face de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran: وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. Et accomplissez pour Allah le pèlerinage et la umra. Et il dit également: quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Et selon Abu Umama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte comme œuvre que ce qui est exclusivement pour lui et dont sa face est recherchée, rapporté par Ibn Nasa'i. Et la sincérité et la bonne intention sont une condition pour que l'adoration soit acceptée et soit un succès. Et parmi ces adorations, le pèlerinage. Et beaucoup de gens pensent que cela est facile. Ils font le pèlerinage sans penser à la sincérité. Alors que les imams, parmi les plus prédécesseurs, luttaient et souffraient pour atteindre la sincérité. Soufiane al-Thawri, rahimahullah, il disait: je n'ai jamais soigné quelque chose de plus difficile pour moi que mon intention, car elle se rebelle sans cesse contre moi. Et il disait également: j'ai soigné mon âme pour atteindre la sincérité pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il faisait des efforts avec son âme afin d'atteindre la sincérité et que ses actes soient exclusivement pour Allah et son bien. Et l'autre condition pour l'acceptation de l'adoration, le fait de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tous les actes du pèlerinage. Que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khudu'ani manasikakum, khudu'ani les rites du pèlerinage, soit la ligne de conduite du pèlerin, du début du pèlerinage jusqu'à la fin, afin qu'il soit récompensé par l'acceptation de son pèlerinage. Et il est d'ailleurs assez au gel, wa sallallahu ta'ala, bi asmanihi husna, wa sifati al-ula. أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بك من النار وما قرب إليها. الذين غفرت لهم ذنوبهم في شهر رمضان